بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان اليوم الدين، أما بعد، إن شاء الله لعل هذا الدرس يكون الآخر. سأصلدني يكون شرد سليف بإذن الله تعالى كي يتي تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. طيب، dans le dirs précédent, on avait appris que certaines personnes se basent sur les khawariq, les choses qui sortent du commun, sortent de l'ordinaire, commises par les majazib, pour penser que ces gens-là étaient des awliya, que ce genre d'actes ne sont accordés qu'aux awliya. Ma wal jawab ala hada? Est-ce que toute personne marcelin qui viendrait à marcher sur l'eau, voler dans les airs, avaler du feu, tenir des serpents, se déplacer, d'être à Mekka et Médine en 3 secondes, est-ce que c'est hada yadullu ala annahu wali? La kayf? Il se peut que les shayatines s'entraident avec lui dans ce genre d'acte du fait qu'il ait fait du shirk. Et ça rentre dans le bab al-sihar de la source là. طيب الان نكمل بهذا، c'est le même sujet là qui va clôturer avec ça. قال فلا يختار من يشاهد ما يعظم في عينه من احوال المجاذب من الامور التي يراها عنده خوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال، وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها، قد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحناش أو الحنشان حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، وحتى وصفه الله تعالى بأنه سحر عظيم. دينو celui qui voit ces choses-là qui se fasse pas duper. Des choses que ces jazib il ferait, comme par exemple les choses qui sortent de l'ordinaire, comme on a dit, car le sihr a une grande influence sur les gens, ce qu'ils voient dans leur vision. Ou ceux que tu verrais qui changeraient les choses. La chose, il la transforme en une autre. Masalan, il a une chose, comme ce fut le cas des Sahara de Pharaon. Masalan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli le lieu de serpents, alors qu'il n'en avait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce sihr comme étant un sihr azim. C'était des grands Sahara. À tel point que Moussa a ressenti de la peur. Après, il y a eu un khilaf, cette peur qui était ressentie. Shir al-Fawzan lui dit que c'est la peur que les gens soient impressionnés par ça et se mettent à les croire. Non pas la peur des serpents en soi. L'Azaqa Allah ta'ala, la takhaf inakant al-a'la. N'aie pas peur, c'est toi qui as la supériorité. ثم قال وقد سحرت اليهود سيد بشر حتى كان يخير له انه فعل شيئا ولم يفعله حتى اعلمه الله بانه سحر واعلمه مكان السحر وفيما فعل حتى اخرجه صلى الله عليه وسلم وكفاه الله شره. والقصة في الصحيحين وغيرهما مبسوطة معروفة. Donc il dit même les Yahoud, ils ont ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'ils s'imaginaient qu'il avait fait des choses alors qu'il ne les avait pas faites. Et que Allah subhanahu wa ta'ala le fait savoir le lieu où se trouve le sihr. Il leur fait connaître l'endroit et de quelle façon il était ensorcelé. Je crois que c'était par rapport à des cheveux dans son peigne, je crois, ou si je me rappelle bien. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, a enlevé ce mal. Et l'histoire est connue dans le Sahihayn. Et au final, ces Yahoud, la'natullah alayhim, l'ont tué. En l'empoisonnant. Il est mort à la suite des traces du poison qu'il avait reçu dans la viande. Confectionner une femme, une Yahoudia. والسحر. طيب ولا مسألة يعني preuve que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas demandé, il a su qui étaient ceux qui ont fait le sihr. Il n'est pas parti leur demander de défaire le sihr. Tamam. Donc aller voir le sahir pour défaire le sort, ce n'est pas permis. Car en faisant cela, tu vas le pousser à refaire du kufr. Pour que le shayatin ou le sihr qu'il a fait se défasse. Donc toi, tasbir. Ou t'achouz el asbab et shari'ya. Min afkar ou l'adouya, les médicaments, les afkar, et zalika. Am aller voir le sahir pour lui dire qu'il défasse son sihr, ça c'est pas permis. قال والسحر يفعل اعظم من هذا فانه قد ذكر ابن بطوطه وغيره انه شاهد في بلاد الهند قوما توقد لهم النار العظيمه ويلبسون ثياب رقيقه ويخوضون في تلك النار ويخرجون وثيابها كانها لم يلمسها شيء لم يمسها شيء. Il dit que le sihr peut faire des choses encore plus grandes que celle-ci. Tamam. Ce qui arrive au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'était des illusions qu'il avait. Et Tambi aussi, ce sihr n'a eu aucun effet dans la révélation. Pour pas que des gens disent, c'était un sorcelé qui s'imagine des choses, ça se trouve dans la révélation, des choses, il ne savait pas. On dit non, elle suit les ma'soum. Dans ce qu'il retransmet de Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'soum. Ni sihr, ni rien du tout, n'influe sur lui. Ni la maladie, ni rien du tout. Quand même, ça n'influe pas sur la révélation qu'il reçoit. Il est ma'soum, infaillible, lui, et les autres anbiya là-dessus. Car des gens peuvent lancer la shubuhat par rapport à ça. Al-Muhim, pour revenir, il dit que le sihr peut avoir un effet bien plus grand que cela, que le fait de t'imaginer faire des choses que tu n'as pas faites. Il y a des gens, comme Ibn Battuta et autres que lui, qui ont vu en Inde des gens pour qui on allumait des grands feux et qui se revêtaient de vêtements légers. Et ils rentraient dans le feu et en ressortaient comme si rien ne s'était passé. Indemne. Ni le vêtement n'a brûlé, ni rien du tout, ni lui. Ni rien du tout. Bal zakarana wa ra'a insanan 'inda ba'd muluk al-Hind ata bi waladayn ma'ahum thumma qata'ahuma 'aduwan 'aduwa thumma ramma bi kulli 'aduwin ila jihatin firqa wa firqa hatta lam yara ahad shay'a min tilka al-aghdha ثم صاح وبكى فلم يشعر الحاضرون الا وقد نزل كل عدو على انفراده وانضم الى الاخر وحتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا ذكر هذا في رحلته وهي رحله بسيطه قد اختصرت طلعتها بمكه سنه 36 و100 و1000 في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله تعالى. Donc toujours Ibn Battuta, il dit qu'il a vu également une personne en Inde auprès de certains rois venir avec deux enfants. Il coupa ses enfants en morceaux, membre par membre, ils en puta, membre par membre. Et dispersa ses membres à différents endroits. Après, il se mit à crier et à pleurer. Et les gens étaient choqués de cela. Et sans même qu'ils se rendent compte, voilà que les membres reviennent, se remettent à leur place, et que les enfants redeviennent en état intact. Cela devant le. C'est un témoin de cela. Et il dit que cette chose-là s'est passée dans son voyage, qui était un long voyage, mais qui était résumé. Et c'était qui était résumé ou raconté en résumé à Mecca en l'an 1136 et qu'elle a été dictée, cette histoire a été dictée par leur cheikh qui était Mufti al-Hanafiyya fil Medina, Mohammed ibn As'ad rahimahullah ta'ala. Il aura dicté cette histoire qu'ils ont mis dans leur cahier et qu'il recite aujourd'hui. Donc le sihr peut faire des choses ahurissantes pour qui ne connaît pas le secret de ce sihr. وقال وفي الأغاني لأبي فرج بسنده أن الساحر كان عند الوليد ابن عقبة فجعل يدخل في الجوف بقرة ويخرج فراه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه فلما دخل الساحر في البقرة قال أتأتون السحر وأنتم تبصرون ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر فانزعر الناس وسجنه الوليد وكتب بذلك لعثمان. Donc il dit dans le livre Al-Ghani de Abi Faraj avec un isnad, il dit qu'il y avait auprès de Walid ibn Uqba, et apparemment Walid ibn Uqba, ce qui est surprenant, c'est que c'était quelqu'un dont le sohba a été affirmé apparemment. C'était un sahabi apparemment. Donc je suis surpris que dans l'histoire, il dit qu'il y avait un sorcier qui jouait devant lui, dans une place publique. Je pense qu'il était présent, apparemment. Allah alam. Et que ce sorcier rentrait dans une vache, par la bouche de la vache, et ressortait par son derrière, devant les gens. Et il y a Jundub, qui est un sahabi, et c'est Jundub al-Asdi, et non al-Bajali, al-Asdi, qui est venu qui a vu cela. Après, il a cité le verset, « Atatouna sihra wa tubusirun » Croyez-vous donc à la sorcellerie alors que vous voyez de propres yeux? Il est rentré chez lui, il a pris son épée, il est revenu, et quand l'homme est rentré dans la vache, il a coupé la vache en deux, et l'homme avec lui. Vous voyez, il a coupé la vache, le sorcier qui était à l'intérieur. Et de là, il a été mis en prison, par rapport à ça. Sous l'ordre de Al-Walid, qui par la suite, Walid, a écrit cela à Othman. قال, وكان على سجن رجل نصراني فلما رأى جندبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني والله إن قوما هذا شرهم لكم صدق فوكل بسجن رجلا فدخل الكوفة وسأل عن أفضل أهلها فقالوا الأشعث بن قيس فاستضافه وراه أبا محمد يعني الأشعث ينام بالليل ثم يصبح فيدعو بغدائه فيخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل فقالوا جرير بن عبد الله فوجده ينام بالليل ثم يصبح فيدعو بغدائه فاستقبل القبلة فقال ربي رب جندب وديني دين جندب وأسلم. Dans cette prison, il a raconté qu'il y avait un homme, un Nasrani, un chrétien, et qu'il avait constaté que Jundub, la nuit, faisait salat, Qiyam al-Layl, et la journée, Sa'im. Il était impressionné. Il a dit, Wallah, c'est cet homme-là qui est en prison, là. Et le pire de ce peuple, c'est-à-dire des musulmans, alors c'est que ces gens-là sont les meilleurs. C'est un peuple de véracité. Cet homme-là, là, qui est en prison, maintenant, et qui fait tout ça en prison, c'est-à-dire que pour eux, c'est en prison, c'est que c'est parmi les pires des gens. Alors j'imagine la vertu de ce peuple. Donc après, il a délégué quelqu'un en dehors de prison pour se rendre à Al-Kufa, pour leur demander qui est le meilleur des gens là-bas, chez les musulmans. Ils sont partis, ils l'ont dit, Ash'ath ibn Qais, c'était un sahabi. Un sahabi donc, qui avait apostasié, et après qui revenait à l'islam. Et après Abu Bakr, la manière sincère. Donc cet homme qui était délégué par ce Nasrani a invité Al-Ash'ath. Après il a vu que cet homme, Al-Ash'ath, la nuit il dormait et le matin il demandait son déjeuner. Donc ni il n'a fait la salat la nuit, ou peut-être qu'il n'a pas vu faire, ni il n'a jeûné le lendemain. Après il a demandé qui est le meilleur d'entre vous, après lui. Ils ont dit Jarir ibn Abdillah. Pareil, il est parti analyser Jarir ibn Abdillah, il a vu que Jarir dormait la nuit et le matin il mangeait. Donc après, le Nasrani a été informé, il a dit « Mon Seigneur, c'est le Seigneur de Jundub. Et ma religion est celle de Jundub. » Et il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui prouve que les actes sont la plus grande da'wah. Plus que les paroles, que les livres, ce genre de choses, tes ibadah en soi, ton istiqama en soi, une da'wah pour ceux qui te regardent. Parce que beaucoup de gens disent ils font des concessions en religion pour faire da'wah. Ils disent, on va faire da'wah. On dit, Wallah, oublie les concessions. Toi, applique la religion comme il faut, et tu ne sauras même pas de gens vont te regarder, et de loin, ils vont être influencés par tes actes, et rentrent en islam, sans même que tu ailles les voir, et tu ailles, je ne sais pas faire quoi comme concession dans ton religion, pour leur parler. Que ce soit avec le prêtre Fulani, ou avec le rabbin Fulani, ou avec la députée Fulani, ou je ne sais pas quoi. Reste dans ton coin, sois discret, fais ta ibadah pour Allah, et Allah il va guider par ta cause, sans même que tu t'en rends compte. Mais tu as déjà, ils veulent trop en faire. Ils veulent trop en faire. Donc le comportement est parmi les choses les plus influentes en religion. Fialem. Et quand bien même tu n'es pas de ceux qui se lèvent la nuit, qui tiennent la journée, si tu as un bon comportement, tu es juste, les gens le voient aussi. Tu ne mens pas, tu es honnête. Tu vas au salawat, les gens le voient. Ils s'en rendent compte. Et les gens témoignent, ils savent très bien que les musulmans sont des moustaklimoun. Hein. Parce que dès que tu leur parles de l'islam, tu leur sors les vertus de l'islam, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir les Daesh, terroristes, ou les foussacs dans la rue. Tu vois, tu lui dis, laisse cela de côté. Viens, regarde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les salafs. Et regarde les gens de cette Oumma qui sont rois. Regarde ces gens-là, regarde pas cela. Là, ils ne parlent plus. Mais dès que tu leur parles d'islam, ils sortent, oui, mais l'autre là, je le connais, c'est un musulman, et il fait ça. Et l'autre là, c'est un musulman, il fait ça. On dit, lui, c'est ses actes à lui. Toi, ce que tu fais là, dans le bien, regarde pas ce que ces gens-là ils font. Regarde ce à quoi appelle leur religion, et tu verras. Et les gens savent très bien au fond d'eux que les gens de l'islam, du endroit, sont les meilleurs des gens. Ils le savent. Après, c'est Allah qui guide les kids. Thumma qal wa akhrajaha al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra bi مغيراتي في القصة فذكر بسنده إلى أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر فكان يدرب رأس رجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى فرأى رجل من الصالح المهاجرين فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه وضرب عنقه فقال إن كان صادقا فليحي نفسه فأمر الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه انتهى. Donc Al-Bayhaqi a également rapporté cette histoire une version différente avec une histoire qui monte à Abi al-Aswad que toujours Al-Walid ibn Uqba était en Irak et devant lui il y avait un sahir qui jouait. Qu'est-ce qu'il faisait ce sahir? Il prenait quelqu'un et lui coupait la tête. Après, il poussait un cri, il remettait la tête, la personne redevenait vivante. Et les gens disaient, subhanallah, il fait vivre les morts. Donc, ils croyaient que cet homme-là, ce sahir, faisait revivre les morts. Donc, il y a un homme, là, dans l'histoire, son nom n'est pas cité, parmi les muhajirines, qui a vu cela, qui est rentré chez lui, qui a pris son épée, qui est revenu, et il a coupé la tête du sahir devant tout le monde. Il a dit, bah, qu'il se refasse vivre maintenant, lui-même. S'il fait vivre les autres, qu'il se refasse revivre lui-même. Et là, le Walid a ordonné au chef de la prison, qui s'appelle Dinar, de mettre cet homme en prison. Et là, il y a une chose qui a été rajoutée en dessous dans le Ta'liq. Il dit que Dinar, le chef de la prison, était un homme salih, pieux. Tamam, c'est un homme pieux à la base. Et cet homme qui l'a mis en prison, qui avait tué le sahir, Dinar, aimait ce comportement, a vu que c'est un homme pieux aussi. Un peu comme le Nasrani. Il a constaté que c'est un homme pieux en prison, il a dû faire des choses qui l'ont impressionné. Il lui a dit, est-ce que tu peux t'enfuir de la prison? Il a dit, oui, je peux. Il dit, enfuis-toi, que je t'en peux parler de toi. Sauve-toi, vas-y, sauve-toi. Et Allah, je n'aurai pas de reproche pour ça, sauve-toi. C'est pas moi qui te libère, sauve-toi, et on ferme les yeux. Il reste pas ici, t'es pas à ta place en prison. Donc pour te dire que même, regardez, quand il t'arrive, ce qui paraît comme étant un zulm, si tu es sur le haq, Allah il t'élève. En prison, il va t'arriver des choses bien, tu vas être la cause de la guider des gens qui vont te regarder, comme si tu fais le cas de Nasrani, ou alors, man yattaqillah et jalou makhraja. T'as une issue. Le chef de la prison dit, vas-y, sauve-toi. Reste pas ici, t'es pas à ta place. Tu le sauves. Soit t'as la liberté pour toi, ou soit t'es une cause de hasanet en ayant été la cause de guider pour d'autres personnes. Comme c'est le cas de Youssouf alayhi salam, mathalan, ou le cas de Mutaymiyyah rahimahullah ta'ala qui a été mis en prison plusieurs fois et qui faisait d'arabe en prison. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi salam, la ajaman amr al-mu'min, fa inna amrahu kulluhu lahu khayr. C'est-à-dire le cas du muslim, il est incroyable. Quoi qu'il fasse, c'est que du bien. Quoi qu'il fasse, il lui arrive que du bien, en réalité. Même ce bien, on ne le s'en rend pas compte forcément nous. Sallallahu yubassirana fi umurina. Donc dans la mas'ala, qatl al-sahir, il n'y a pas de dalil réel, hadith, sarih, clair, qui dit que faut tuer le sahir. Mais, alayhi wa amal ba'd al-sahaba. Certains sahaba l'ont fait. Ils ont exécuté les sorciers. Et à la base, c'est quoi la preuve? C'est que le sahir, c'est un murtad. Il a fait du kufr. Donc le murtad, c'est quoi son sort? On l'exécute. Après, on a dit, est-ce que le sahir, il a une toba ou pas? On a dit, il n'a pas de toba. Cette toba entre lui et Allah, nous, on le tue quand même. Pourquoi? Parce que même s'il fait toba, c'est une maladie très dangereuse. Il peut recommencer. C'est une fitna, le sihr. Fitna azima. Donc ils disent, on le tue quand même. Et s'il a fait toba, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, en cette dunya, on se débarrasse de lui. Ça, c'est un call qu'il y a eu. Mais il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil d'Ami qui dit qu'il faut tuer le sahir. Il n'y a pas. Mais le dalil de base, c'est le murtad. Murtad, on le tue. On parle du sahir qui est musulman, hein, bien évidemment. Et même des ulama font la fatwa que si demain tu vois des sahara dans des endroits, il est permis même à autre que le gouverneur de les tuer. À condition qu'il n'y ait pas de fitna. Mais généralement, il y en aura. Donc ils ont dit, laisse-le. Mais si jamais tu le tues, toi, avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas de compte à rendre. Nous, on te dit pour ta maslaha à toi, celle des gens, ne le fais pas. Si jamais tu le tues, tu te fais attraper. Aujourd'hui, les gens vont dire, pourquoi tu l'as tué? C'est un sahir. Les gens, ils jugent pas que la charia. Donc c'est toi qui auras des problèmes. Toi et les gens qui te ressemblent. Donc ils disent, pour la maslaha, ne fais rien. Parce que, comme on l'a dit, inkar munkar, ma yakunu bima wankar minhu. Tu fais pas inkar munkar, une chose qui est encore plus blâmable. Au point d'Allah, ce matin-là, elle n'est pas blâmable. Mais les mafsas dans la da'wa, elles sont plus grandes par la suite. Donc ne fais pas. Ne fais pas. Mais si demain tu le fais et que personne ne te voit, voyez, toi, c'est pas haram sur toi de le faire. قال بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده في قصة طويلة وفيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروت وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته في الأرض اطلع فطلع فقالت أحقل فأحقل ثم تركته ثم قالت ابس فيبس ثم قالت له اطحن فاطحن ثم قالت له اختبز فاختبز وكانت لا تريد شيئا الا كان. Il dit une histoire encore plus surprenante que celle-ci, comme Al-Bayhaqi également a rapporté dans une longue histoire qu'il avait une femme. Apparemment, ça semblait être un israélien parce que c'est à l'époque de Babil. Harut ou Marut. À l'époque où les deux anges venaient du sihr. Donc ça ne vient pas de hadith. Ça c'est un farce au moins israéli. Allah alam. Le muhim, qu'une femme avait appris le sihr par ces deux anges-là. Après, elle a pris du blé, une graine de blé. Une fois qu'elle a planté dans le sol, elle lui a dit... Elle a lu la page... Elle lui a dit, pousse. Elle s'est mis à pousser les germes. Après, elle a dit, il y a rien dans le sens de fleurir. La germe s'est mise à fleurir. Après, elle a laissé. Après, elle lui a dit, sèche. Ils sont mis à sécher. Après, elle a dit, de se moudre. Après, il s'est moulu. C'est devenu de la farine. Après, elle a dit, fais-toi en pain. C'est devenu du pain. Elle a dit, il n'y a pas une chose qu'elle disait sans qu'elle n'arrive. Même sans qu'elle n'arrive. Après Shamokbil, il est dans le Sanad, il y a un homme qui, à la base, son hadith, il est Hassan. Son hadith qu'il rapporte est Hassan. Cependant, cette histoire-là, on préfère s'abstenir. S'il y avait cet homme-là en lui-même, qui n'est pas un fiqa, qui n'est pas un haut niveau, qui n'est pas un jour non plus, il a dit on s'abstient. Mais ce qui apparaît, cette histoire-là a eu lieu des gens d'avant l'islam, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc al-zahir an-amin israéliyat. Donc on ne peut ni les démentir, ni les confirmer, car c'est une chose qui ne s'oppose pas aux textes religieux qu'on connaît. C'est possible, hein, cette histoire-là est tout à fait possible. Mais on ne peut pas dire c'est thabit, on raconte et on dit ouais, c'est haq, Allah alam. Mais on sait que le sihr peut faire des choses ahurissantes, et peut-être même plus grandes que celle-ci. Al. والأحوال الشيطانية لا تنحصر وكفى بما أتى به الدجال والمعيار والمعيار اتباع اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما. انتهى ما ردناه والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Donc il dit maintenant toutes les situations causées par Shaitan sont indénombrables. Tout ce que Shaitan peut nous faire comme mal, comme ruse, c'est indénombrable. Tamam. Et il dit le simple fait que l'on connaisse ce qu'il est capable de faire le Dajjal, qu'il lui va faire devant nous tuer des gens et leur redonner la vie, faire descendre la pluie, faire pousser des plantes, faire des choses ahurissantes, par biiznillah. Ce qu'il fera, c'est que par le biiznillah, c'est pas par lui-même. Donc cela nous suffit à croire cela. On sait que cela est possible. Mais c'est quoi le standard et la balance dans ce genre d'acte? C'est soit le suivi du kitab de la sunna, ou soit celui qui s'y oppose. Celui qui se kitab au sunna, comme on l'a dit, c'est quoi? C'est une karamat. On y croit. C'est un wali. Bien qu'on ne dise pas que le wali doit forcément faire des karamat. C'est pas l'azim. Tu peux être un wali, tu n'as fait aucun miracle. Comme on dit, le fait que tu sois un muttaqi, mustaqim, t'es un wali Allah. C'est ça. Allazina amanu kanu yattaqun. Les awliya, c'est ça. Ceux qui croient, qui sont droits. C'est eux les awliya. Après, tu as des darajat. Donc, celui qui est un wali, c'est le mustaqim, le mu'min mustaqim. Et celui qui s'y oppose à l'istiqama, au kitab wa sunnah, c'est pas un wali. C'est un adou. Et lui, ce qu'il fait, c'est pas un karamat. C'est min ahwal shaitaniya. Et après, il a clôturé le livre par cela. Il faut comprendre que maintenant, le dernier point, ça c'est un point qui n'est pas cité en tafsil dans Kesh Shubahat, c'est que des gens se font tromper par les awliyeh par ce genre d'acte. Ça, c'est un wali. Où on croit au sonem fulen, parce que le sonem, l'idole, a fait telle chose. Et tel arbre, on l'adore parce qu'il nous a parlé. Ou tel tombe, il y a eu de la lumière. Que un tel, on l'a vu faire telle et telle et telle chose. Il tombe dans le shirk, il se met à adorer ces gens-là à cause de cela. Donc il a dit non, ne crois pas à ce genre de choses. Une chose aussi, par exemple, qui était citée par Hizbi, je me rappelle à l'époque, au début de mon islam, j'avais lu dans un livre, je crois que c'est Bilal Phillips, un Jamaïcain. C'est un coup de bé. J'avais lu dans son livre, il a cité l'histoire, une réponse qui était plausible pour par rapport au Ruqya, l'exorcisme que font les chrétiens. Ils disent, des fois, on a vu des gens, chez les chrétiens, être possédés, avoir des crises, comme le Mamsous chez les musulmans, et le prêtre, il vient, il le fait tout sa cérémonie, tout son rite, il vient avec l'eau bénite, je sais pas quoi, et pff, le djinn s'en va. Il a été guéri. Il dit, comment cela? Tout simplement, c'est quoi? C'est que le prêtre, il vient, il fait tout son rite, là, ses signes de croix, l'eau bénite, sa prière sur Marie, sa prière sur Jésus, sa prière sur les saints, après le Saint-Esprit, tout le topo. Et l'autre, il dit, je crois, le chétan, il s'en va. C'est bon, je t'ai eu, t'as mécru. Hop, c'est tout. Le chétan dit, pourquoi je reste? T'as mécru. T'es ce que je voulais, j'ai ce que je voulais, t'as mécru. Tu crois en ce prêtre, tu crois encore en la divinité de Isa, alayhi salam, en sa mère, c'est bon, je m'en vais. J'ai ce que je voulais. C'est tout. Le chétan, il est là pourquoi? Pour t'égarer. S'il veut ce qu'il veut, il s'en va. C'est pour ça que tu le verras les plus acharnés sur les gens pieux et accrochés à leur religion. Très, très, très, très dur avec eux. Celui qui est comme ça, son chétan, il ne va pas trop apparaître. Vous voyez pas que souvent, les gens qui sont en France, on voit rien d'eux. Il vient de terre d'islam, et là, les choses, elles apparaissent. Il a des crises, pousse des cris, entend la zen, il devient fou. En France, on ne voyait rien de tout cela. Pourquoi? Parce qu'en France, l'étant des péchés, les marassis, ils ne voyaient pas. En terre d'islam, c'est plus dur. Son djinn, il réagit. Même les koufars, t'en as parmi les anas, dit quoi? Il dit, pourquoi chez les koufars, on ne voit jamais ça? On voit ça que chez les musulmans, des crises comme ça. On dit, parce que le kafir, à la base, il est d'accord avec le chétan, donc ça ne se voit pas trop chez lui. Il ne fait pas d'acte d'adoration qui énerve le djinn, le shaitan, ce genre de choses. Et comme il est déjà égaré, le shaitan, il est à l'aise. Il ne s'est pas remarqué. Alors que le musulman, lui, c'est quelqu'un qui croit, c'est un mu'min, donc le shaitan, il réagit à ce moment-là. Ce n'est pas pareil. En plus de cela, c'est une ruse, justement, du shaitan pour te le montrer. Le kafir, on le laisse tranquille. On ne te montre pas ce qu'il fait. Et le musulman, on fait faire des harakats pour te dire que le musulman, il y a un truc qui ne va pas chez eux. Toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Donc ne jamais oublier que le djinn, shaitan, qui entre dans l'homme, son but, c'est d'égarer. Mais des cas incroyables chez les koufars sont présents. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. On dit juste que les cas individuels comme ça, c'est moins présent. Mais quand on a un chez eux. Ah, il en fait des énormités. Tous les cas de ce qu'ils appellent les schizophrènes, psychopathes, ce genre de choses. Tueurs en série, des gens qui font des trucs bizarres. Ou même des fois des cas, ce sont même pas des gens qui sont même sous-sol, mais font des actes, des rites diaboliques pour avoir les shayatines. Ils vont tuer des enfants, manger leurs membres, je sais pas quoi, pour que le shaytan soit leur service. Tout ça, c'est lié. Voilà, a'adhu billah. Donc là, c'était le dernier qu'on a fini, bifadillahi ta'ala. Ce kitab, sallallahu alayhi wa barik fi juhud al-mu'allif, wa yanfa'ana bima kunna wa samina qara'ana. Et donc là, le but, c'est de faire une muraja'a amma sali'a. Et demain, inshallah, as'alukum fi asl mawdhu' al-kitab. La base du sujet du livre. Amen. Hadha. Fa naqifuna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.